Bonjour amis Gémeaux, bienvenue dans votre petit tirage de l'oracle de Béline pour le mois de mars 2023. Donc, quel va être le conseil ou le message de l'oracle pour vous pour mars 2023? Bon, alors là, comment dire, comment exprimer? C'est une coupe assez spéciale puisqu'elle parle d'événements inattendus, surprenants et de hasard. De providence pour certains. Donc en gros, apparemment en mars, il va se passer quelque chose d'inattendu, complètement. Alors on va voir, complètement surprenant peut-être. Hein. Quel est le tirage de l'oracle? J'essaie de me concentrer. Pour les Gémeaux, pour mars. Ouh! Oui, en effet. Qu'est-ce qui va être inattendu? Alors attendez, hein, tac, tac, tac. Là, j'ai besoin d'en retirer un changement lent. Il y a quelque chose. Oui, apparemment, vous allez. Il va y avoir, à la suite d'une discussion avec une personne, il va y avoir l'annonce d'un blocage, une personne qui devait peut-être vous accompagner pour une activité, qui devait vous accompagner pour une entreprise, qui devait vous accompagner pour un projet. Eh bien, cette personne ne sera plus du tout disponible. Donc, c'est une grosse déception pour vous. Parce que c'est vraiment malchanceux, parce que je pense que ça ne vient pas de la volonté de cette personne-là, c'est simplement qu'elle ne pourra vraiment pas. Il y a un incident dans sa vie qui peut intervenir et qui va faire que vous ne pourrez plus compter sur l'accompagnement, le soutien, le partage de cette personne-là pour un projet commun ou une sortie commune ou quelque chose. Alors, du coup, bon, eh bien, c'est vrai que vous risquez de devoir vous adapter à une nouvelle situation et on vous dit que de toute façon, eh bien, on peut s'adapter à tout, il ne faut pas dramatiser et vous devez garder votre calme et surtout faire appel à votre chouette intérieure, c'est-à-dire à votre sagesse. Donc, ne pas réagir en enfant gâté, ne pas réagir en bouderie ou en caprice et surtout, soyez philosophe. Et dites-vous qu'il y a des choses beaucoup plus graves que ça et que c'est voilà et que c'est la situation est telle quelle et que les choses seront beaucoup plus s'aménageront davantage enfin plus facilement prochainement. Mais pour le moment, eh bien surtout ne je pense que voilà si cet événement survient, non, faut pas en vouloir ni au destin ni à cette personne. Simplement, parfois il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. C'est vrai que ça va peut-être vous secouer un peu, mais au fond de vous-même, eh bien, vous comprendrez bien que il y a plein d'autres bonnes choses qui se profilent. Voilà. Alors, bon mois de mars.